yeux brûlent dans l'ombre interdite. Chaque souffle glisse, m'invite. Je cède au feu, je perds ma voix. Je commence à crier par de toi. Secrets carved in sound, written in scars unbound.